Après ma présentation en 2011 des quatre tragédies les plus connues de Pierre Corneille, le Cid, Horace, Cinna et Polyeucte, voici deux autres pièces de théâtre qui méritent d'entrer dans une anthologie. Une tragédie, La mort de Pompée, qui se situe à un des grands tournants de l'histoire romaine. Et Le Menteur, une comédie, genre littéraire, auquel on n'a pas l'habitude d'associer Pierre Corneille. Avant de vous lire en 30 minutes environ les extraits choisis dans La mort de Pompée, publié en 1642, un petit rappel historique. En 60 avant Jésus-Christ, après ses victoires éclatantes en Orient, qui lui valurent le surnom de Grand, le général Pompée rentre à Rome et, s'entendant secrètement pour garder le pouvoir sur Rome avec deux autres généraux, Crassus et Jules César, il forme un triumvirat renforcé par le mariage de Julie, fille de César, avec Pompée. Tandis que César part en 58 pour la conquête des Gaules, Crassus part en Orient où il meurt. Fort de sa conquête des Gaules, César revient à Rome en chasse Pompée, puis poursuit les Pompéiens en Espagne d'abord, en Thessalie ensuite au nord de la Grèce. En 48, Pompée, battu par César à la bataille de Pharsale en Thessalie, se réfugie alors en Égypte.